Si vous passez de par les monts, si vous passez de par les veaux, de mon beau pays d'Icarie, dites à mamie, que je languis, que je l'envie, quelle est la vie qui me sourit. Car sans retour, il y a l'amour, il y a le jour et les beaux jours qui se dessinent à l'infini sous le ciel de mon Icarie. Si vous passez par les marais, si vous passez par les prairies de mon beau pays d'Icarie, dites à mamie, que moi aussi j'aime la vie et ses envies, que par-delà les mots d'amour, il y a les gestes de l'amour que l'on prodigue chaque jour. Au long cours, que nous irons main dans la main par un chemin qui va sans fin, que nous chanterons le matin et tout au long du jour la joie, l'amour. Si vous passez de par les landes, si vous passez de par les prés, de mon beau pays d'Icarie, dites à mamie, que je languis, que je l'envie, quelle est la lumière de ma vie. Quelle est ma joie à profusion, oh, ma plus belle religion. Elle est aussi ma déraison et ma raison. Que si l'amour est illusion, c'est que la vie est illusion et qu'elle n'a pas d'autre raison qu'une chanson, et que l'amour sans effusion, c'est comme un jour sans l'infusion de cette douce mélodie emporte et nous ravit. Si vous creusez les beaux sillons, si vous longez les doux rivages de mon beau pays d'Icarie, dites à mamie, dites à mamie que je languis, que je l'envie. Quel est le soleil de ma vie? Quel est le soleil de ma vie?